Chapitre 8e. Les jeux sont faits. John Dudley sentit une main se poser doucement sur son épaule et une voix qui ne lui était pas inconnue murmurait à son oreille. « Alors, vous délaissez le bridge pour le baccarat ?» Vivement, il se retourna et s'exclama stupéfait. « Ah, par exemple, c'est vous, colonel. Que faites-vous ici au casino municipal ? Et vous, Dudley ?» Quelques prompts avaient tourné la tête, contrariés de se voir troublés dans leur jeu. Le milliardaire entraîna son vieil ami et quelques instants après, au fumoir, il pouvait causer en toute tranquillité. Bjork avait repris sa personnalité de colonel en retrait de l'armée américaine, invoqua un repos dont il se sentait avoir eu besoin et qu'il avait amené à la Riviera. « Du repos ?» coupa le milliardaire. « J'ai votre affaire. Le grand air du large ne saurait que vous remettre complètement. Je vous emmène faire une croisière sur mon yacht. » Le colonel ouvrit de grands yeux, feignant la surprise. « Mais oui, le Cynthia, qui est ici même, à Nice. » Et le Yankee entra dans des détails que, sans vouloir y paraître, le colonel connaissait parfaitement par le capitaine Berton. « Eh bien, fit-il, l'invitation est si aimablement faite que j'aurai mauvaise grâce, vraiment, à refuser. D'autant que j'aurai le plaisir ainsi de me trouver en compagnie de votre délicieuse Liliane. Oui, nous serons tous les deux seuls d'ailleurs jusqu'à l'arrivée de certaines personnes que nous avons conviées à se joindre à nous. Mais le marquis Santonelli, demanda le vieux limier, n'est-il donc pas avec vous ? Jusqu'à demain seulement. Vous savez combien il est obligeant. C'est grâce à lui qu'en moins de 24 heures j'ai pu me rendre acquéreur du Cynthia. Voulant satisfaire tous mes désirs, il part demain pour Gênes, où il pense trouver quelque demeure seigneuriale, un vieux palais comme j'ai toujours eu l'ambition d'en posséder un. « Pourquoi Gênes ? » interrompit Charlie Mitchell. « Parce que nous sommes ainsi à proximité de la Riviera italienne, de la française aussi, et c'est en outre un grand centre que fréquente la société cosmopolite. « Hein, parfaitement. » Il se charge de tout arranger, préparer, aménager. Nous n'aurons plus qu'à y entrer en maître. « Merveilleux !» déclara le colonel. « Je ne puis que vous féliciter du choix que vous avez fait d'un pareil gendre. L'homme de toutes les ressources. » Le front du milliardaire se creusa d'un pli soucieux. « mon gendre » gronda-t-il. « Il ne l'est pas encore, malheureusement, et j'ai bien peur que ce mariage ne se fasse jamais. Et pourquoi donc ? Parce que Liliane, mon cher ami, se montre rebelle à ce projet que je caressais. Pour des raisons que je n'arrive pas à deviner, elle ne peut souffrir le marquis. » Malgré toutes les prévenances dont il l'entoure, elle le déteste profondément, et plutôt que de la savoir malheureuse, je préférerais renoncer à la voir devenir marquise Santonelli. Le vieux détective crut sage de ne point insister. Il se félicitait néanmoins d'avoir bien jugé des choses. Ses prévisions s'étaient réalisées à la lettre et il n'avait fait qu'anticiper, en exposant la situation à Romain Farrell telle qu'elle lui apparaissait. Dudley rompit brusquement le silence qu'il avait un instant gardé et reprit. « Alors, c'est entendu ?» Vous venez nous rejoindre demain à bord du Cynthia. Convenu. Allons, je vous quitte, car j'ai mes valises à boucler. Je m'attendais si peu à cette surprise. Un taxi qui est là, en sortant du casino, le déposait bientôt à son hôtel. Quelques mots lui suffirent pour mettre Farrell au courant de sa rencontre et de ce qui s'en était suivi. Comme toujours, Bjork, vous aviez vu juste. Mon ami, trêve de compliments. Dès demain, prenez notre Lascar en filature à Gênes. Vous m'écrirez poste restant à Nice. J'y ferai prendre mon courrier. » À partir de ce moment, les événements se poursuivirent avec la rapidité que nous savons, et les résultats obtenus par Farrell ne pouvaient que bien augurer de la suite. De son côté, John Dudley, en communication avec Santonelli, faisait part au colonel de ce que l'autre lui apprenait. Il avait fait affaire dans de très bonnes conditions pour une demeure seigneuriale telle que la rêvait le milliardaire, le palais Pizzano. Sa propriétaire, la comtesse Laure Pizzano, le cédait en l'état, avec tout le mobilier de la belle époque, pour une somme globale de 2 millions. Le marquis demandait que Dudley fît aussitôt un virement de sa banque sur l'établissement financier de Gênes et envoyait à la vendeuse un chèque pour le montant de l'acquisition. Il ajoutait que l'aménagement de la résidence et l'engagement du personnel demanderaient une quinzaine au plus et qu'il demeurerait sur place afin de prendre toutes les dispositions nécessaires. Dudley n'avait qu'à s'en rapporter à lui du soin dont tout serait à point pour le recevoir avec ses invités et la chère petite Liliane. D'ici là, le Cynthia aurait tout le temps voulu pour croiser au long des côtes. Le milliardaire ne se sentait plus de joie. Il avait eu avec le yacht un premier joujou qui le ravissait. Le palais Pizzano en était un second qui le mettait aux anges. « Quel extraordinaire garçon que le marquis » s'écriait-il à qui voulait l'entendre. Charles et Mitchell dissimulaient un imperceptible sourire. tandis que Liliane détournait la tête pour éviter de donner son opinion. Seuls les invités des Dudley, qui ne connaissaient point encore Saint-Tonelli, unissaient leur voix à ce concert de louanges enthousiastes. Le milliardaire avait, en effet, retrouvé à Nice quelques amis d'Amérique qui séjournaient sur la Côte d'Azur. Il y avait là une douzaine de personnes environ, toutes américaines, appartenant au monde opulent, aux hautes sphères de la finance et de l'industrie, par leur mariage s'entend, car l'élément féminin dominait. Lady Desmond, rencontrée par le colonel, comme elle revenait de Marienbad, avait consenti à se laisser entraîner par lui à faire la connaissance de tous ces Yankees. Aussi John Dudley s'estimait-il très flatté de donner à la grande dame anglaise, femme d'un diplomate, l'hospitalité à son bord. Charlie Mitchell avait expressément recommandé à cette dernière de ne jamais l'appeler de son vrai nom, ni de faire allusion à sa profession. Il l'avait amusé de s'encanailler dans ce milieu si peu aristocratique, et n'eut guère de peine à la persuader d'accepter l'invitation du milliardaire à la fête qu'il donnerait pour pendre la crémaillère au palais Pizzano. « Vous y verrez votre Sigisbée d'ailleurs, » avait-il insisté pour la convaincre, « le marquis Santonelli. » Elle eut ce rire perlé qui la rendait si charmante et du tac au tac lui répondit « Oh, alors je ne saurais résister. Mais ne croyez-vous pas que Liliane Dudley sera jalouse ? Elle ? Tranquillisez-vous de ce côté. La jalousie est un défaut qu'heureusement pour elle, cette petite ignore. » La croisière s'annonçait comme devant être des plus plaisantes. Et de fait, on ne s'ennuya pas à bord de Cynthia, tout le temps qu'elle dura, près d'une quinzaine. Miss Dudley, habituée à diriger le home familial à New York, se montrait hôtesse accomplie. À chaque escale, le canot du yacht allait à la poste chercher le courrier de Dudley, courrier qui consistait en lettres du marquis donnant tous les détails sur l'aménagement définitif du palais Pizzano. Farrell, lui, était moins prodigue de correspondance, mais ces lettres que le colonel avait prié la poste de Nice de lui faire parvenir sur le yacht abondaient en nouvelles intéressantes au plus haut chef. Le marquis, disait-il, revenu trouver Mentana, s'était montré furieux que le brocanteur n'eût pu lui procurer, au sujet de l'énigme du palais, la confession in extremis du maître maçon qu'il prétendait ne pas arriver à découvrir, assurant qu'il avait dû la détruire par mégarde. Les travaux d'aménagement, continuait Farrell, avaient été commencés aussitôt que la comtesse Pizzano eût été réglée par le chèque de Dudley. Une nombreuse équipe d'ouvriers de toutes sortes avait été engagée, et il s'était produit deux faits sur lesquels le jeune détective appelait toute l'attention de son maître, car il en avait été lui-même frappé. Saint-Tonelli, certain que le document du maître maçon lui échappait, s'était pris à visiter scrupuleusement et dans ses moindres coins et recoins tout l'intérieur du palais, de la cave au grenier, sans négliger aucune des pièces. La chose n'eût point été autrement extraordinaire s'il ne s'était pas spécialement appliqué à sonder tous les murs, prêtant attentivement l'oreille, comme s'il se fût attendu à entendre sonner le creux quelque part. Cherchait-il donc à découvrir la fameuse cache secrète où Pietro Pizzano avait fait emmurer sa femme? Le but qu'il poursuivait ainsi était alors assez aisé à comprendre. Il espérait probablement y trouver un trésor. Longtemps, Saint-Tonelli avait été déçu, jusqu'au jour où le second fait, bien plus étrange, vint à se produire. Les ouvriers, sur la fin de leur labeur, s'étaient réservés une dernière pièce à faire qui nécessitait moins de soins, car elle était pour ainsi dire en parfait état, étant donné que la comtesse Laure n'en faisait point usage. Il y a dans cette salle, écrivait Romain Farrell, un unique tableau, paraît-il, un portrait de famille évidemment, représentant une jeune dame du temps jadis sans juger par ses somptueux vêtements et les joyaux qu'elle porte sur elle. Qui est-elle? Personne ne semble le savoir, mais sa beauté serait remarquable, et le portrait ne ment pas. Je tiens ces détails et les suivants de l'entrepreneur des travaux. Le panneau, car c'en est un, se trouve encastré dans le mur. Il est de forte dimension, car la personne représentée est grandeur nature, ce qui la rend presque vivante. Par une étrange coïncidence, la place qu'occupe le tableau domine l'une des extrémités de la longue table de chêne qui servait au repas et fait face, comme de juste, à l'autre extrémité de cette même table. De telle sorte qu'une personne assise là aurait inévitablement le portrait devant ses yeux. Fort de ces renseignements, je me suis imaginé que ce pourrait très bien être l'image de la belle Gioconda. L'armateur, en ce cas, ne lui ayant pas pardonné son adultère, aurait sadiquement joui de sa féroce vengeance chaque fois que ses regards se portaient sur cette vivante reproduction de la coupable épouse, dont il savait que la dépouille gisait, décomposée et réduite à l'état de squelette dans l'In Pace. Sinistre, lugubre, me direz-vous ? Et pourquoi pas? Ce serait bien caractéristique de cette époque. Mais le plus curieux en tout ceci est que le marquis Antonelli s'est opposé à ce que les ouvriers se livrent au moindre travail dans cette pièce qu'il a soigneusement fermée à clé. Leur tâche achevée, il régla largement l'entrepreneur et demeura seul au palais quelques jours durant. Farrell terminait en disant qu'à son avis le marquis avait fini par découvrir la cache secrète située dans la salle à manger du palais, peut-être même derrière le panneau au portrait. Santonelli avait une force peu commune, et avec des outils appropriés, ce ne devait avoir été qu'un jeu pour lui de percer dans la maçonnerie un trou assez grand pour lui livrer passage. Ce n'était là, bien entendu, que des hypothèses, mais qui s'appuyaient tout de même sur un fond de vraisemblance. La lettre de Farrell venait confirmer tout ce que le vieux limier pensait de cette fameuse cache secrète, depuis qu'il en connaissait l'existence, par l'histoire de l'épouse adultère et du mari justicier. Il différait d'opinion toutefois avec son jeune élève sur le mobile qu'avait poussé Luciano à découvrir l'Inpace. Il était peu probable que l'armateur ait songé à y enfouir un trésor aux côtés de la belle Gioconda. À quoi bon et dans quel but? Assouvir sa vengeance lui suffisait. Santonelli, avec son esprit inventif et s'adaptant aux circonstances les plus imprévues, n'avait-il pas bien plutôt vu là un moyen sûr de mettre à l'abri le riche produit de ses larcins? Il pressentait la partie perdue avec Liliane dont il n'arrivait pas à se faire aimer. Mais rien ne l'empêchait, quelque temps du moins, à rester l'hôte de John Dudley. Et comme celui-ci se proposait de donner de grandes fêtes, des réceptions, où viendrait tout le gratin des hivernants de la Riviera, il devenait aisé au marquis de faire ample moisson de bijoux de grande valeur. Intime du milliardaire, jamais on ne le soupçonnerait, et si même d'aventure la chose se produisait, sa parfaite innocence éclaterait bien vite, du moment qu'il n'avait en sa possession aucun des joyaux ayant eu soin de les déposer dans la cache secrète. C'était certes une combinaison machiavélique, mais digne de l'adroit coquin qu'était le marquis. La conviction du vieux détective, une fois faite, il ne lui restait plus qu'à donner à Farrell ses dernières instructions, ce qu'il fit en lui envoyant ce télégramme laconique: « Restez gêne, surveillez, observez, arriveront bientôt ».